voies possibles sont la solitude ou me battre au fond. J'ai l'habitude. Toutes mes vies passées jusqu'alors, j'ai dû apprendre les bases et fondements. Mais maintenant y'en a marre, faut que j'en sorte. Cette vie est à moi dorénavant. Avec moi. Cet ange à mon secours, j'ai dû croire que c'était possible, qu'ils me donnent tout leur amour. Crois-moi sous parole, rien n'est risible. Ils m'ont répondu, enfant de la terre, être de lumière, le temps est venu d'atteindre ton but. Rassemble tes affaires, juste le nécessaire. J'ai fait une liste, tu n'as qu'à prendre la piste. Alors, j'ai dû apprendre les bases et fondements. Mais maintenant, y'en a marre, faut que j'en sorte.